DJ Matt Fly. Imagine Vision Top. Putain. J'ai dit putain. C'est Vegeta sale putain. Je suis dans ma sphère. Demande à DJ Matt Fly, j'ai pas d'adversaire. Le plus aimé de toutes, ce n'est pas un mystère. Non, tu faut l'audit, écoute le son de la caisse claire. Tu fais la meuf exemplaire devant tes frères. Quand tu casses ta démarche, on a mal au faussaire. Tu fais la meuf droite, t'es perpendiculaire. Et quand je t'amène à l'hôtel, tu dis que tu veux rien faire. Putain. Tu fais l'effet d'un freeze, on est paralysé. Tout le monde dans la boîte veut te brutaliser. Faut payer la pulvée verte si on veut t'arroser. T'as fait ton contouring, tu t'es bien maquillé. Ton meilleur ami, c'est ton frère Alice. Tu vérifies si ta chose a bien été posée. Quand tu n'es pas un couple, tu ne veux pas te poser. Tu ne bois pas du champagne, tu bois du rosé. Ton boulet aussi grand que Ricky Rose. Dans le 9-1, on t'a vrou-vrou. Dans le 9-2, on t'a vrou-vrou. J'y repense même dans le 9-4, on t'a vrouvrou. Vrouvrou mania.